Thank you. Thank you. Antoine Dazio. C'est moi ou il y a un problème de son ? Hey. Salut. J'entends pas le synthé. Ça va? Est-ce que ça va? Tu joues de la basse? Est-ce que je suis accordé? Est-ce que je suis accordé sur le synthé de Prague? Accorder ma basse ça va Prague ce sont de synthé là tu vois c'est un synthé analogique non Bye.